nuit je dors pas, avant d'être à pas de souper. Et le matin je sors tôt, je réveille par bruit de compète. C'est 63 en bas de mon pote. Je me prends pas pour un autre mon pote. Et la nuit je dors pas, avant d'être à pas de souper. Et le matin je sors tôt, je réveille par bruit de compète. Elle me demande on se voit quand, je lui dis demain peut-être. Il faut 5 années de vacances, comment veux-tu que je t'aide? Ça fait la moula pour maman, Hamdoula ça rentre en ce moment. Tu faisais la mala sur Paname, mais pour m'élever c'est comment? Qu'est-ce qu'elle est belle maman Cita, même au bout du monde maman j'y vais. J'suis vers Santa Monica, c'est la vie d'Aloca ou la misère. Tout pour la monnaie, terre abonné. Là j'suis dans la zone, j'ai pas décollé. Bébé avec moi, faut pas décoller. C'est 63 en bas de mon pote. Je me prends pas pour un autre mon pote. Et la nuit je dors pas, avant d'être à pas de souper. Et le matin sort tôt, réveillé par bruit de compète. Je suis en Italie, je fais du shopping. C'est Gia Gia Gina, ce qu'elle préfère tes copines. Océan de larmes, mon cœur fait que chavirer. Et si je t'en passe, c'est que je suis trop bourré. Peut-être que je me suis gouré, dans le quartier tu sais pas dans quoi je peux te fourrer. Là ça monte à la tête, si genre le bail c'est mort, faut vite courir. Et Hendek les gars ça part. Charbonneur resserre les sapins. De toi je m'entends. De toi je m'entends. Resserre le champagne. C'est 63 en bas de mon bas. Je me prends pas pour un autre mon pote. Et la nuit je dors pas, avant d'être à pas de souper. Et le matin je sors tôt, réveillé par bruit de compète. C'est 63 en bas de mon pote. Je me prends pas pour un autre mon pote. Et la nuit je dors pas, avant d'être à pas de souper. Et le matin je sors tôt, réveillé par bruit de compète.